Moi j'ai un ami, un mari aimant, un père charmant, un gendre poli. Moi j'ai un ami, un homme d'intérieur, une pomme comme gueule, la fée du logis. Moi j'ai un ami, un homme d'aujourd'hui, qui joue tous les rôles, même sans alcool. Moi j'ai un ami, un homme d'aujourd'hui, qui cherche de l'air, loin de la poussière. Moi j'ai un ami qui attend sa caille, qui est au travail pour tromper l'ennui. Moi j'ai un ami qui rêve la nuit d'une autre demi pour tromper sa mie. Moi j'ai un ami, un homme d'aujourd'hui, qui joue tous les rôles, même sans alcool. Moi j'ai un ami, un homme d'aujourd'hui, qui cherche de l'air, loin de la poussière. Moi j'ai un ami qui n'a plus d'amis, l'amour de sa vie dehors les amis. Son meilleur ami, ça reste son chien, même s'il a un grain comme sa domine. Moi j'ai un ami, un homme d'aujourd'hui, qui joue tous les rôles, même sans alcool. Moi j'ai un ami, un homme d'aujourd'hui, qui cherche de l'air, loin de la poussière. Des fois cet ami se relève la nuit, boit tout le whisky caché sous son lit. Alors il oublie qu'il aimerait beaucoup, oui, tordre le cou de sa belle chérie. Moi j'ai un ami, un homme d'aujourd'hui, qui joue tous les rôles, même sans alcool. Moi j'ai un ami, un homme d'aujourd'hui, qui cherche de l'air, loin de la poussière. Moi j'ai un ami, un homme d'aujourd'hui, qui cherche de l'air, loin de la poussière.